À l'occasion de l'anniversaire du grand dirigeant Kim Jong-il, Pyongyang abritera solennellement la 21e édition des Floralies de Kim Jong-ilien, sous thème « Le Kim Jong-ilien rouge, bénit l'ère Kim Jong-un prospère ». Dans le cadre de ces préparatifs qui sont en dernière étape, sont achevés déjà le dessin général et les dessins partiels de l'endroit des Floralies et des affiches illustrées. Le comité de Kim Il-sung et de Kim Jong-ilien de Corée prête une attention primordiale à la décoration du lieu d'une part, et d'autre part, s'informe des préparatifs de différents établissements pour aider à bien construire des rayons et à cultiver des fleurs. Les fleurs d'honneur s'épanouissent pleinement dans les serres de Kim Il-sung et de Kim Jong-ilien des organismes des forces armées, des comités, ministères et établissements centraux, et dans d'innombrables foyers des citadins de la capitale.